Out of time. Nicolas sur Galaxy. Nicolas sur Galaxy. sur Galaxy. Nicolas sur Galaxy. Galaxy. We'll be right back. Nicolas sur Galaxy. We'll be right back. Galaxy. Nicolas sur Galaxy. Thank you. Galaxy.